What did you do last night? What did you do last night? What did you do last night? What did you do last night? She's so dead. La révolte de Los Angeles est une révolte contre la marchandise, contre le monde de la marchandise et du travailleur consommateur hiérarchiquement soumis aux mesures de la marchandise. Les Noirs de Los Angeles, comme les bandes de jeunes délinquants de tous les pays avancés, mais plus radicalement parce qu'à l'échelle d'une classe globalement sans avenir, d'une partie du prolétariat qui ne peut croire à des chances notables de promotion et d'intégration, prennent au mot la propagande du capitalisme moderne, sa publicité de l'abondance. Ils veulent tout de suite tous les objets montrés et abstraitement disponibles parce qu'ils veulent en faire usage. TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD. TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD, TVOD. I don't need no TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD. TVOD, TVOD, TVOD. TVOD, TVOD, TVOD. TVOD, TVOD, TVOD. TVOD, TVOD, TVOD. Fire! degrees. The Queensland harsh summer heat had me sweating buckets up and down my street. As there I spied the bloke, perched atop of his milk crate throne. He eyed me off as I approached, and then he said, I'm on Smoko, so leave me alone. I'm on Smoko, so leave me alone. De ce fait, ils en récusent la valeur d'échange, la réalité marchande qui en est le moule, la motivation et la fin dernière et qui a tout sélectionné. Par le vol et le cadeau, ils retrouvent un usage qui, aussitôt, dément la rationalité oppressive de la marchandise, qui fait apparaître ses relations et sa fabrication même comme arbitraires et non nécessaires. Le pillage du quartier de Watts manifestait la réalisation la plus sommaire du principe bâtard. À chacun selon ses faux besoins. Les besoins déterminés et produits par le système économique que le pillage précisément rejette. Right. fight, power amp set to explode. Energy screams, magic and dreams, Satan records the first note. We climb the bell, while chaos in hell, metal for maniacs, pure all fast melting steel. Fortune on wheels, rain hammer ridges, the cure for black metal. Oh black metal, oh baby black metal, oh yeah black metal. Yeah, lay down your soul to the gods of rock and roll, black metal. To the gods of rock and roll, meddled and fall through the deadly black hole, riding hell stallion, bareback and free, faking our chances with Roy and achieve black metal, baby. Le ciel dessus mes yeux, je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter. Il ouvrit les yeux, mais il y avait bien peu de choses à voir, en dehors d'un amalgame de lueurs floues qui l'éblouirent durant quelques minutes. Puis, il prit conscience qu'il fixait les lampes indicatrices du tableau de contrôle général de l'astronef. Mais il ne parvenait pas à les voir nettement et il abandonna très vite. « Neat. Cue then. Cue the music. Take four. I'm Un air tiède soufflait sur lui, revigorant ses membres paralysés par le froid. Il entendait une musique à la fois douce et stimulante, qui devenait de plus en plus forte. Puis une voix calme et amicale lui parla, et il sut qu'elle provenait de l'ordinateur. « Tu es en état d'activité, Dave. Ne te lève pas et ne fais aucun mouvement violent. N'essaye pas de parler. » Thank you. baffling me. So won't you close your eyes when I'm lying in your arms? Let's have a problem. Let's have a problem. One, two, three, four. Se lever, se dit Bauman. Très drôle. Il ne pensait pas qu'il fût capable d'agiter un doigt. Pourtant, à sa grande surprise, il découvrit qu'il le pouvait. Et il en fut très satisfait, tout en continuant de se sentir détaché, abasourdi. Il avait vaguement conscience que le vaisseau de récupération avait dû arriver, ce qui expliquait que le processus de résurrection fût entré en action. My mind. mehr zurecht. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Trink einen Korn, Mensch. Komm. Komm, trink mal einen Korn. Mich anlächelt, dann ist très bientôt, il verrait à nouveau d'autres êtres humains. Tout cela était très bien, mais ne l'excitait guère. Il avait faim. L'ordinateur, évidemment, avait prévu cela. « Il y a un bouton à ta droite, Dave. Si tu as faim, appuie dessus. » Il obligea ses doigts à se tendre et découvrit bientôt le bouton. Il avait tout oublié. Pourtant, il aurait dû savoir que le bouton se trouvait là. Combien d'autres choses avait-il oublié ? L'hibernation effaçait-elle les souvenirs ? Do it. I am the ball addict. s'appuya, il attendit. Après plusieurs minutes, un bras de métal se déploya et un biberon de plastique descendit jusqu'à ses lèvres. Il téta avec avidité et un liquide tiède et sucré coula dans sa gorge, lui apportant à chaque goulée une énergie nouvelle. Puis il disparut. Baumann demeura immobile, mais il pouvait bouger bras et jambes à présent. L'idée de déplacement n'était plus un rêve impossible. She was a tornado. Oh, woo! A tornado. She was a tornado. Oh, woo! A tornado. Well, she was tearing me up and I could take it no more. I started to run. I went out the door. She was a tornado. Oh, woo! A tornado. X-Zero. baby, let me. I said, baby, let me. I want to take you by the hand. I want to take you by the hand. Take you by the hand. Bien qu'il sentît affluer rapidement ses forces, il eût été heureux de rester ainsi pour l'éternité s'il n'avait perçu aucun stimulus de l'extérieur. Mais une voix nouvelle lui parlait, une voix totalement humaine à présent, une voix qui n'était pas faite d'impulsions électriques assemblées par une mémoire supérieure. Elle était presque familière, bien qu'il lui fût impossible de la reconnaître. « Hello Dave, tout va bien. Tu peux parler maintenant. Sais-tu où nous sommes ?» Next week's chart, entry to the top 50 of 2017. Thus, there has been a walking dead before. I'm just a kid, the zombie next door. Now I was a teenage zombie. It's the weirdest trip they ever laid on me. Sort of feels like I'm high on love. But that's not the problem. I was a teenage zombie. There's lots of stuff to drag you down. Lots of things that you shouldn't mess around. Not the problem. I was a teenage zombie. It's a drag hanging around. I was happier in the ground. Now come on, be the same. I said peer pressure is too great. Thank you. la première fois, il se mit à réfléchir à cela. Si vraiment il tournait autour de Saturne, que s'était-il passé sur Terre durant ces mois? Il se demanda à nouveau s'il n'avait pas été frappé d'amnésie. Paradoxalement, cette pensée le rassurait. S'il parvenait à se souvenir du mot amnésie, son cerveau devait être encore à peu près intact. Thank you. coffin and stay a free man too. Treat them like I tell you and they're crawling back to you. Treat them rough like a tiger, then gentle as a lamb. Well, if you can keep them guessing, they're gonna treat you like a man. If she suggests a movie, stay home and watch TV. You think she's really mad at you, she said, Lord, you need. Treat her up like a tiger, then gentle as a lamb. Well, if you can keep them guessing, they're gonna treat you like a man. She buys a coke, starts us talking serious. Thought you beat her up like a tiger, then gentle as a lamb. Well, if you can keep them guessing, they're gonna treat you like a man. She starts a talking marriage, that's the way it always goes. A ring on her fingers, only ring right through your nose. Beat her up like a tiger, as a lamb. Well, if you can keep them guessing, they're gonna treat you like a man. Mais il ignorait toujours où il se trouvait. Celui qui était à l'autre extrémité du circuit devait pourtant comprendre sa situation. Ne t'inquiète pas, Dave. C'est Frank Poole ici. Je surveille ton cœur et ta respiration. Tout est parfaitement normal. Relaxe-toi, c'est tout. Maintenant, nous allons ouvrir la porte et t'éjecter. Une douce clarté illumina la chambre. Il entrevit des silhouettes mouvantes et, en un instant, ses souvenirs revinrent. Et il sut exactement où il se trouvait. Bien qu'il eût franchi les plus lointaines limites du sommeil, les approches de la mort, il n'avait été absent qu'une semaine. En quittant l'hibernation, il ne pouvait voir l'espace saturnien, qui était encore à plus d'un an dans l'avenir, et à 1 milliard de miles dans l'espace. Il était toujours dans le complexe d'entraînement, au centre spatial de Houston, sous le chaud soleil du Texas. Be away. Introduction into ILM. Knock, knock, knock, knock, don't stay on your own. We're a party from dusk till dawn. No. motion. The stroke he's using needs timing and skill. The effect is graceful, but the progress is nil. Neither backwards nor sideways, it's part of the thrill. The element he performs in is perfectly still. No problems with friction, it's easy for him. It was what he was born to swim and to swim. He turned head on tail, tail in head. He thinks that this cycle will get him ahead. Becomes alarming. Progress expected, not forthcoming. The effect is graceful, but the progress is nil. It was what he was born to. To swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim and to swim. And also just a look and a behavior and the characters that go along with a film like this that is a mainstream film that is measured mm-hmm. than I was used to.